Chapitre 30e, au tribunal. Comme pour l'imbroquet achevait ces mots, une voix sur le pas de la porte se fit entendre. « Oui, espérons en la Providence. » Pour l'imbroquet, Miss Eden se retournèrent vivement. Ensemble, ils s'écrièrent, grandement surpris, « Li Chuma !» C'était en effet le Chinois qui avait la garde de Darling. Il s'inclina profondément devant Miss Eden, attendant qu'elle dise un mot pour se relever, ainsi que le veut l'étiquette des nobles chinois. « Soyez le bienvenu dans la maison, » lui dit alors Miss Eden. Li Chuma se leva et salua Paul Imbroquet. Puis, ayant pris le fauteuil qu'elle lui désigna la femme rousse, il commença. « Oui, tous trois nous n'avons plus d'espérance que dans la Providence. Mais comme Miss Eden prit le ciel, j'ai pour ma part grande confiance en la manifestation de sa bonté. » Il reprit après un court silence. « Je vous demande pardon d'être entré chez vous sans prévenir, sans même me faire annoncer. Mais ainsi le veut la terrible et lourde dignité dont je suis investi. Je suis maintenant non seulement d'essence divine, mais, d'après la tradition même, le représentant du Dieu suprême sur la terre. Or, partout, Dieu étant chez lui, je suis partout chez moi. Ce qui m'oblige à quelques incorrections comme celles que vous voulez bien me pardonner. » Li Chuma sourit et ajouta. Privilège céleste qui ne va pas sans quelques risques. Car vous, Européens ou Américains, qui ne croyez pas beaucoup aux manifestations célestes, vous seriez fort capable d'octroyer un bon coup de revolver au fils du ciel quand il rentrait chez vous comme un cambrioleur. Cependant, ce fils du ciel était suffisamment humanisé pour accepter un cigare de la main profane de Paul Imbroquet. Après les premières bouffées odorantes, il reprit, car c'était lui surtout qui, en cette scène, devait parler. Votre fille, Miss Eden, votre adorable darling, est l'otage de notre maître. Le maître a exigé. Zygomar ? S'écria Paul Imbroquet. Oui, Zygomar nous a ordonné de prendre darling. Pourquoi ? Dans quel but ? Li Chuma ne répondit pas à la question. Il fit seulement un geste vague de la main et il poursuivit. Darling est en notre pouvoir, mais la providence que vous invoquiez tout à l'heure me donne à moi le soin de garder la fillette. Darling vit avec mes enfants. Soigné comme eux par la plus tendre et la plus affectueuse des mamans. Oh, remerciez-la bien pour moi, dit Miss Eden. Donc, darling, pour le présent, je dis hélas, pour le présent, ne cours aucun danger. Quel danger peut la menacer plus tard? C'est ce que je suis venu vous dire, Miss Eden, à vous et à votre noble et loyal époux. C'est à titre d'ancien ami de la prairie que je vous parle, Miss Eden, à titre de père, Paul Imbroquet. Veuillez m'écouter, je serai bref, n'ayant qu'un certain nombre de minutes à demeurer dans la même maison. Paul Imbroquet et sa femme l'écoutèrent sans l'interrompre. D'abord, sachez que quand le coup de sabre du Japonais a fait sauter la main de Fuzi, Fuzi, pour avoir perdu la bague, fut aussitôt condamné à mort. On lui ouvrit la gorge, et dans sa gorge on trouva mon nom. C'est moi qui devins, dès cette minute, le maître jaune. Honneur immense, honneur redoutable, honneur auquel, malgré mon éducation, mes sentiments, mes idées, mes amitiés, je ne pouvais me soustraire, sous peine d'obliger mes sujets à chercher dans ma gorge ouverte le nom de mon successeur. « C'est épouvantable, » murmura Miss Eden. « C'est la loi de toute éternité. Mais le signe sacré de mon pouvoir sur cette terre manque. Or, je n'ai que peu de jours. Nous comptons par lune, quelques lunes seulement. » Pour retrouver la bague. Ce délai passé, on fera appel, vous savez comment, à mon successeur. Et moi, on m'enverra impitoyablement retrouver Fuzi par un des couloirs de l'oubli de la Chinatown. Un geste de Paul Imbroquet, il répliqua vivement. Non, je sais ce que vous allez me dire. Non, c'est impossible. Aucune force au monde ne peut rien contre cela. Nous sommes, mes enfants et moi, prisonniers dans l'univers. Nous ne sommes nulle part à l'abri. Et nous ne pouvons nous réfugier nulle part. La loi éternelle s'accomplirait fatalement. Peut-être, murmura Paul Imbroquet. Si. Je n'ai donc devant moi que peu de temps. Je suis venu vous trouver, oh non pas pour ma vie, mais pour la sauvegarde de mes enfants et de Darling. Faisons vite. Je sais que vos recherches ont été vaines. Vous n'avez pas retrouvé la main que Pipe le chien emporta, non. Je dois vous dire que de mon côté, j'ai tout mis en mouvement pour savoir ce qui était advenu du chien depuis le moment où il s'est échappé de la maison de Fuzi avec la main coupée. Or, dans la Chinatown, où l'on retrouverait la trace d'une patte de pigeon s'il le fallait, on a la certitude que le chien ne s'est pas arrêté, qu'on ne l'a pas retenu, qu'on ne lui a pas volé la main coupée et qu'il ne l'a pas enfoui. C'est encore un espoir qui s'en va. On a également la certitude que durant le parcours assez long d'ailleurs, entre la Chinatown et le bungalow blanc, aucun Chinois n'a touché le chien, n'a pu le retenir. Donc, si le chien n'a pas apporté la bague ici, c'est un blanc, un homme de votre race, qui en est dépositaire en ce moment. Or, mon pouvoir sans limite chez les jeunes s'arrête au seuil d'un logis américain. Li Chuma se leva pour prendre congé. « Je n'ai que 2 lunes pour retrouver la bague, » dit-il sur le pas de la porte. « Je n'ai pas 3 semaines à garder Darling. » Il sortit si promptement que Miss Eden n'eut pas le temps de lui dire d'embrasser Darling pour elle. « 3 semaines pour sauver Darling, » répétait-elle maintenant. « 3 semaines. »« C'est peu, » lui dit affectueusement Paula Brock. « Oui, c'est peu, mais cela peut être suffisant. » Et en embrassant tendrement sa femme, il conclut. « Suffisant, pourvu que Dieu nous seconde. » C'est pendant ces 3 semaines que le procès de la tilleuse vint devant les assises de Seine-et-Oise à Versailles. Le comte de Saint-Rion, comme il l'avait promis, vint une seconde fois au Ravenel. Nous avons vu que l'accueil de Madeleine fut tel que le jeune avocat, maître Thirion, l'engagea à ne plus revenir. Tout d'abord, le comte de Saint-Rion se rendit à ce conseil, mais il se promit, une fois le procès terminé, la surveillance du comte de Saint-Rion établie, de faire reconnaître ses droits d'époux, au besoin par la force de la loi, d'arracher Madeleine à son entourage qu'il sentait hostile, de l'enlever des Ravenel et de tranquillement cueillir les millions de l'héritage. Mais cela ne devait pas marcher tout seul, ainsi que l'espérait Zigomard, comme vous allez le voir bientôt. Il y eut grande affluence à Versailles pour cette affaire qui provoqua, on s'en doute, une forte émotion. On voulait voir ce mystérieux comte de Saint-Rion. Il devenait le héros de cette tragédie. Mais le jour même où s'ouvrirent les débats, une affaire sensationnelle devait partager l'attention des foules aimant ce genre d'émotions fortes. Dans une ville du nord de la France, on trouva le coffre-fort de la caisse d'une des principales usines pillé. Le gardien assommé dans le bureau, et sur la porte du coffre, un grand Z. C'était encore un goût de Zigomard. Paul Imbroquet, en parcourant les journaux de France et en recevant les rapports complémentaires de ses lieutenants sur le crime de la tilleuse, avait recommandé à Gabriel et à Lamorce de surveiller les débats judiciaires de cette affaire. Le comte de Saint-Rion, assurément, ne tenait pas beaucoup à sentir parmi les auditeurs les lieutenants de Paul Imbroquet. Aussi ont-on voulu Zigomard commit-il ce nouveau crime. Comme c'était un coup de Zigomard, la sûreté, en l'absence de Paulin Broquet, dépêcha, pour faire l'enquête sur cette affaire, ceux qui connaissaient le mieux la façon de procéder du maître invisible. Et c'est ainsi qu'à la cour de l'assises de Versailles, le comte de Saint-Rion ne rencontra point les yeux curieux de Gabriel et de Lamorce braqués sur lui. Il aimait mieux cela, et Zigomard, à son habitude, avait bien pris ses précautions. Au demeurant, le comte de Saint-Rion aurait bien pu ne pas comparaître dans cette affaire dont il était cependant le héros principal. L'affaire, en effet, désignée tout d'abord avant sa venue comme l'assassinat du comte de Saint-Rion, portait maintenant un autre titre au rôle des assises. La victime n'était plus que le domestique Alexandre, et le comte, lui, n'intervenait qu'accessoirement pour fournir au magistrat quelques éclaircissements dont il pourrait avoir besoin au cours des débats. En premier lieu, le crime du calvaire et l'incendie de la tilleuse avaient été réunis, ne formaient qu'une seule et même affaire. Mais à la suite d'un examen plus approfondi, on sépara les deux affaires. Le père Gervais comparut donc seul comme auteur de l'assassinat du valet de chambre du comte de Saint-Rion. Le président des assises, quand s'ouvrirent les débats, après la lecture de l'acte d'accusation, demanda au comte de Saint-Rion de venir reconnaître les objets trouvés sur le braconnier et retenu comme pièce à conviction. Le comte entra dans la salle bondée de monde. Sa comparution fut sensationnelle. Il était vêtu d'une redingote d'une extrême élégance. Son costume très chic lui donnait, non l'aspect d'un homme en deuil ou en demi-deuil, mais d'un gentleman vêtu sévèrement, et laissant voir à son vêtement qu'un chagrin le frappait, chagrin qu'aucun usage mondain cependant ne réglementait. Il ne pouvait en effet porter le deuil de celle qui était sa femme, qui serait sa femme légitime sans le malheur qui la frappait, et cependant une marque quelconque dans le vêtement devait indiquer qu'il était douloureusement en deuil de cette adorée morte, cependant vivante. Madeleine n'était-elle pas, quoique vivante et plus jolie que jamais, comme une morte pour lui? Le comte de Saint-Rien était un grand bel homme, très élégant, d'une figure avenante, doué d'une voix chaude, moelleuse, s'exprimant avec facilité et ayant cette teinte d'accent anglais que finissent par prendre ceux qui ont vécu en Amérique. Et pourtant, le comte, que précédait la renommée de son malheur, de son deuil moral, bien faite pour lui conquérir tous les cœurs, ici, dans cette salle bondée, comme là-bas, à la ferme des Dalmets, au Ravenel, excitait la curiosité, certes, sans cependant attirer aucunement la sympathie. Il plaisait aux yeux comme aspect, comme allure assurément. Toutefois, une sorte de barrière s'élevait instinctivement entre le public et lui. Alors que ce même public tressaillit, se sentit pris au cœur, quand tout simple, carrément, franchement, dans son uniforme de sergent, comparut comme témoin Jacques Dalmets, le héros qui ramassa le comte, qui sauva de l'incendie de la tilleuse au péril de sa vie, la malheureuse Madeleine. Le jeune avocat Thirion, qui ne voulait rien perdre des débats, ne manqua pas de remarquer l'impression produite par le comte sur l'assemblée. « Il y a une mauvaise salle, » fit-il dans une suspension d'audience à son cousin, le juge Duranton. « Une très mauvaise salle. » Et maître Thirion, tel la froideur qui s'était manifestée à l'entrée du comte, comme étant de bon augure pour lui, pour sa cause. Il écouta donc avec la plus grande attention la déposition du comte. Le comte, après avoir prêté serment, donna tous les enseignements que lui demandèrent les magistrats sur sa naissance, sur sa famille. Il en vint au soir fatal, il donna l'explication très plausible de son départ pour l'Angleterre. Il montra même un reçu de la banque anglaise, succursale de la banque américaine, où il avait déposé les fonds retirés l'avant-veille à Paris. Ce témoignage dûment reconnu exact et loyal formait le plus merveilleux alibi qu'il fut possible de fournir. Le jeune avocat se trouva lui-même forcé de reconnaître que c'était admirablement combiné. Il fallait s'incliner. Alors il comprit que son cousin, M. Duranton, avait eu raison, qu'on devait demeurer dans la légalité stricte, et que dans l'état actuel, sans un fait nouveau et puissant, qui détruirait cet alibi indiscutable, rien ne pouvait être tenté contre cet homme. Cet homme, quel qu'il fût, cet homme antipathique, instinctivement, que le jeune avocat appelait le revenant, que dans le public même on désignait aussi tout bas par ce terrible mot le revenant, avait si bien pris ses dispositions que la loi, cette formidable loi, dont le juge Duranton se déclarait l'esclave formel, la loi était à son service et lui devait son concours. Maître Thirion écoutait donc le comte parler à la barre des témoins. Messieurs, dit le comte de Saint-Rion au juge, répondant à une question du président, je me vois forcé de vous faire une confession. Je vais m'expliquer sur la confiance, l'amitié que j'avais pour Alexandre. Sachez donc, messieurs, que je ne regardais nullement Alexandre comme un valet, mais comme un ami. C'est lui qui tenait à rester un domestique et à demeurer ainsi à mon service. J'ai eu Alexandre sous mes ordres au régiment. Alexandre fut d'abord un bon soldat. Il aurait pu faire son chemin dans les armes, mais il lui arriva un petit malheur qu'il est inutile de rappeler ici, une folie de jeunesse alors qu'un galon d'or ornait sa manche. C'est moi, messieurs, et si je le dis ici, c'est non par gloriole, mais seulement pour vous montrer exactement notre amitié. C'est moi qui ai payé la sottise d'Alexandre et arraché ce garçon au conseil de guerre. Plus tard, Alexandre s'essaya dans diverses entreprises et là encore ne fut pas très heureux. À chaque avatar, il venait me trouver pour me demander de le tirer d'affaire. Après un silence de quelques années, Alexandre arriva chez moi en Amérique dans un état pitoyable, me raconta qu'il ne réussissait dans rien et me demanda de le garder auprès de moi. Il se fit alors mon valet de chambre et je dois dire qu'il avait à cœur de me rendre en dévouement, en affection, ce que j'avais pu faire autrefois pour lui. Après un court arrêt, le comte reprit. Vous comprenez maintenant, messieurs, pourquoi l'amitié qui existait entre Alexandre et moi était si grande. Vous comprenez pourquoi j'ai pu lui confier une mission auprès de ma femme pendant que je devais rester en Amérique. Pourquoi, à mon retour, j'ai pu le charger de la délicate démarche de rassurer la pauvre Gérame, de l'encourager et de lui donner des détails sur ma nouvelle absence, sur l'obligation où je me trouvais, de gagner immédiatement l'Angleterre, peut-être même l'Amérique. Le président inclina la tête en signe d'assentiment. Le comte de Saint-Rion reprit. Dans la journée qui précéda la soirée où je devais gagner la tilleuse, je fis diverses courses au sujet de ma femme et de ma pauvre fille Paulette. Je dus voir des notaires, des hommes d'affaires dont vous avez d'ailleurs, sur ma demande, recueilli les déclarations. J'étais chargé de papiers d'affaires de documents. J'en étais embarrassé. Je remis le tout à Alexandre pour qu'il le portât à la tilleuse. Ce sont ces documents que vous détenez certainement. Le président dit alors à l'huissier de les faire passer sous les yeux du comte pour qu'il les reconnût officiellement. Chaque fois que l'huissier prenait dans le dossier, sur la table, pièce à conviction, un document, le comte, avant même que l'huissier le lui montrât, disait ce qu'était la pièce. Il désigna chaque document, en dit la teneur en quelques mots, révéla les signatures et désigna les diverses particularités. Vraiment, devant des déclarations qui, pas une fois, ne furent reconnues erronées, il était impossible de douter que celui qui parlait n'eût eu en sa possession ces divers documents, qu'il ne les eût longuement et spécialement étudiés. Or, les notaires avaient déclaré que seul le comte se trouvait dans leur cabinet quand ces papiers avaient été remis. Et le comte les avait dans la soirée confiés à Alexandre. Le comte seul pouvait par conséquent en avoir pris connaissance. À cette constatation, le jeune avocat se trouva fortement gêné, car elle contrariait grandement tout son plan, renversait tous ses projets, détruisait toutes ses espérances. Ce n'était pas seulement un alibi purement matériel que fournissait cet homme, c'était la preuve morale et indubitable de son identité qu'il établissait. Et devant ces déclarations, faites d'ailleurs simplement, tout naturellement, le tribunal le plus prévenu contre cet homme, les juges les plus soupçonneux, les plus incrédules, devaient forcément s'incliner. Pour tous, légalement, indubitablement, celui qui parlait à la barre des témoins était bien le comte Armand de Saint-Rion. Le comte ne s'en tint pas là. Il fournit encore une preuve sinon plus grande, du moins plus délicate, plus précise, en son apparente simplicité. Et alors, ne permettant pas la moindre contestation, l'huissier prit dans le portefeuille des lettres. « Oh !» s'écria douloureusement le comte, « les lettres de Madeleine. » Et au se lever des enveloppes, il disait ce que chacune contenait. Il en répétait tout haut les premières lignes. « Oh, monsieur le président » déclara-t-il, « j'ai tant lu et relu ces lettres de ma chère femme que je laissais par cœur. » Le jeune avocat se reconnut cette fois non pas battu mais fortement touché. C'était un coup terrible que lui portait le comte. Car à la rigueur, on pouvait admettre qu'en raison de l'amitié qui unissait le maître et le valet de chambre, Alexandre eut connaissance des documents, des pièces officielles. Mais comment supposer que le comte eût remis à son domestique les lettres de sa femme, les lui eût laissées assez de mains pour lui donner le loisir, le temps, l'idée même de les apprendre par cœur? En lui-même, le jeune avocat déçu, mais nullement découragé malgré tout, se disait « Très fort, cet homme, très fort !» Mais il ne sera cependant pas plus fort que ce qu'est la force même, la justice. Le comte de Saint-Rion répondit encore à quelques demandes que lui posèrent le président et les magistrats. Puis il déclara n'avoir jamais vu avant ce jour-là celui que l'on accusait du meurtre, qui ne connaissait en aucune façon le braconnier Gervais, et il se retira. Son rôle était fini. S'il n'avait pas emporté la sympathie, la compassion des auditeurs, du moins, pouvait-il considérer sa comparution comme une victoire? À présent, personne au monde ne pouvait déclarer qu'il n'était pas réellement le comte de Saint-Rion que l'on avait cru assassiner.